fois je pense, elle me demande pourquoi ce putain d'état nous pousse et nous malmène. Ils sont fous quoi, à croire qu'ils veulent la guérilla, quoi que ce qu'il y a. Mais on n'a pas demandé à être là, à qui la faute, au 13, barré de là. Pouvoir un jour lâcher le Beretta, mettre à l'aise la Romda, la Mifa, plus penser à l'Erga. Et pour ça, faudrait un putain de coup d'état, prendre ses couilles dans son calme. Pour l'instant, c'est la débrouille qui nous a amené à l'. Et ouais, toi-même, tu sais, trop de choses pas normales. Regarde les faits divers dans le journal, trop de personnes crèvent la dalle. Maintenant, on se lève presque des fois pour que dalle, ou pour un putain de smic qui te laisse mal. Alors on encaisse, et à force, toute force s'affaisse, et devient faiblesse à cause de cet état qui nous oppresse. Ils nous promettent des prouesses devant la presse, et sans cesse, nous laissent lâcher comme des chiens sans laisse. Alors nous, on devient pile du lien, prêt à tout pour prendre ce putain de butin, et pas rester sur notre faim. Je veux changer ce putain de destin, et pour ça, faudra un putain de butin, parce que putain de smic qui dès le 20 laisse en chien. Nos vies, parfois dessinées, parfois décimées, certaines naissent dans la merde, d'autres sont déjà dans le luxe, sans avoir à suer. Des tout petits, je voyais pas rentrimer. Hein, qu'est-ce que t'en penses, quel chemin prendre, le bon ou contre sens, le boulot ou la délinquance, le fou ou la clémence, tes tribunaux ou les impôts. Une chose est sûre, les taux sont durs et ce sera chaud. Trop de nos frères finissent derrière les barreaux pour quelques kilos, pendant que des pédophiles passent entre les mailles et des filets. Putain d'injustice, ça me rend triste. Chez nous, trop de choses immorales, trop de jeunes qui ont la dalle, sont prêts à foutre la cagoule pour des histoires à 10 boules. Y'a ceux qui la connaissent, c'est Schmidt qui donne aux vies des boules. Mais allez pas croire pour autant qu'on n'est pas des mecs hyper cool. Ce phénomène de société qui nous coule, alors on lâchera pas nos couilles, prêts à tout pour survivre. La duce Sarko nous la mise, regarde notre pays en crise, alors trop de mépris face à cette société qui pense à tout prix qu'à nous gratter, même emprisonner. Il pense à nous faire taffer. Il parle réinsertion, mais pas question de baisser son calcio pour gagner un smic. Alors que pendant ce temps, ces bâtards vivent bien sans dépenser d'argent. Ça fout des nerfs et laisse dans notre bouche un goût amer. Toute cette misère qui pousse à faire des choses amères, sa mère. Mais heureusement, trop fier de l'éducation que nous a donné nos parents. Alors parfois, on se remet en question. Les vols arrachés, pour moi, pas question. Préfère encore biser. Tout en faisant attention à ces bâtards qui pensent qu'à nous baiser, fils de pute de Condé. Toi-même, tu sais, moi, j'ai rien à raconter. Je préfère encore garder ma fierté. Bah, c'est pour un teubé. Mais au monde, pour bonheur de nos parents, arrive en pleurs, on repartira sûrement en rampant. Il a vu plein de coups durs, c'est sûr, mais bon, faut pas rester là, se lamenter, car tôt ou tard, la mort viendra nous chercher, plus le temps passe, plus on se rapproche, mon dernier jugement. Alors je fais ma route, et ça, peu importe ton jugement. On a tous trop erré, en bas de notre quartier, petit on était inconscient, les Schmitt nous guettaient, nous on les caillassait, manipulés par la patte du gain. C'est ça qui nous a poussé à prendre le terrain. Plus années passent, les conneries s'entassent, la police en place. Nous on vit de plus de liasses, alors on se déplace. Les bagages remplis de vis, pendant que la daronne se prélasse pour son fils. Elle voudrait le savoir à l'aise, mais que faire face à cette misère quand t'as déjà vu galérer ta mère. Obligé de se lancer, et c'est là que tout a commencé. Commission rogatoire, perquise, toutes ces putes qui n'ont qu'un but, pouvoir te virer ou te voir mi-tard. Trop de veillées tard, où je voyais ma mère en pleurs à cause de mes erreurs, les condamnés trousses pour quelques housses. Putain de balance quand je repense. Ce bâtard choqué contre les balances, alors que lui-même en était une, a voulu se la raconter, faire un braco pour quelques thunes. Et on valait pas une, pire. Au comico, sa langue était une plume. Où allons-nous dans cette vie de bâtard? On sait pas. Dans nos vies, c'est la guerre constante. On se tape pour se faire entendre. Trop de portes se ferment, alors on reste là à attendre. Poussé par la tentation, on sait plus quel chemin prendre. Les ici contentes, et jamais on pourra se rendre. Je sais pas pourquoi, mais un jour ça finira à 100. Normal, les tabous laissent en chien, nous prennent pour des vulgaires bons à rien. Pas besoin de bac plus 5 pour savoir qu'on règne. Y'a que des putains. Et pendant ce temps-là, le rêve, c'est une pute. Gun à la main. Triste destin.